Salut tout le monde, ici Dominique Jean et Monsieur Daniel Vaillancourt pour ce 8e épisode de Geekorama. Bienvenue tout le monde! Oh. Bienvenue tout le monde! Hey Dom, ton comment intro était écœurante. Merci. J'aime beaucoup mieux ça que la dernière. Ben, je t'ai pris un peu off guard, là. Tu sais, je veux dire. Ouais. Qu'est-ce que c'était à mon tour de parler, j'ai fait. Dominique Jean. Ben, tu sais, je t'ai pris off guard. C'est oh, ma faute. Ben, oh, ben, c'était drôle. C'était ma faute. C'est pas grave. Hey, mon Dom, aujourd'hui, on a un bel épisode, bien garni, bien chargé. Oui. Fait que, écoutez, on est bien content encore d'être de retour pour ce 8e épisode. Fait que, écoute, on va commencer tout de go, mon gars, avec les discussions, dans le fond. Les jeux qu'on a joués tous les deux, tout simplement. Fait que, écoute, tu veux-tu commencer? Je commence. Mais dans la liste, t'es en premier. Ouais, c'est vrai. C'est moi qui l'ai fait. Ah, c'est ça. Donc, dans les jeux que j'ai joués dernièrement, The Last of Us, qui est un jeu PS3 qui est sorti, là, même pas. Ben, vendredi, je pense, dernier. Pas longtemps, mais là, deux semaines, en tout cas. Ouais. C'est un jeu de Naughty Dog, un jeu de zombies. Ben, un jeu de zombies. Les autres, ils disent que c'est des infectés. Ouais. Que c'est, bon. Des zombies pareils. C'est ça. T'sais, ils ont une espèce de champignon, je sais pas trop. Puis ça a l'air, c'est réel, ça. Que, y a une certaine sorte de fourmi qui peuvent attraper ça. Puis, tu sais, les spores que tu vois dans le jeu, c'est réel. Ouais, ouais. C'est ce que j'ai vu. Mais bon. Je trouve que c'est un petit peu tiré par les cheveux. Je souhaite à personne que ça arrive. Non. C'est pas beau. Je souhaite pas que ça arrive mondialement. Ça, c'est sûr et certain. Mais, le jeu est vraiment débile mental. C'est fou. Je l'ai terminé en dedans de peut-être une quinzaine d'heures environ. Parce que, tu sais, là-dessus, j'ai exploré beaucoup. Puis tout ça. Okay. Tu sais, quand tu saves, ils te disent le nombre d'heures. Mais là-dessus, j'ai mis le play comme en veille. Là, il roulait, mais je jouais pas. Fait que moi, je dis que c'est à peu près... Non, c'est une bonne quinzaine d'heures, puis honnêtement, là... Oh, c'est bien correct. C'est pas obligé de durer 30 heures. Puis, tu sais, j'aime autant que ça soit moins long, mais avec plus de contenu bien garni que... Moi, c'est ça. Ça s'étend pendant 60 heures. 60 heures, puis finalement, ben, il y a des longueurs, là, tu sais, je veux dire. Non, j'aurais pas joué 60 heures. J'aime autant ça même. Autant que j'adore le jeu, que j'aurais pas... 60 heures, ça aurait été trop. Par contre, ça peut laisser la place à des suites. Puis non, vraiment, l'histoire est vraiment écœurante. Naughty Dog, tu sais, ils l'ont tellement. Je veux dire, Uncharted, c'était des bons personnages. C'est ça que j'aimais, moi, dans Uncharted. Là, c'était l'interaction entre les personnages. Ah, c'était malade. C'était juste fou. Puis ils l'ont réussi encore une fois. Puis je trouve que les mouvements là-dedans, comment que les personnages se déplacent, comment que l'action se passe, ça n'a pas de bon sens. Je veux dire... C'est vraiment excellent, le graphisme et tout. Puis même après que j'ai fini, finalement, j'ai commencé Tomb Raider. Ça, je vous en reparlais au pire. Okay. Puis autant que le monde disait, hey, c'est super hot, que je trouve vraiment les contrôles pas différents dans le mauvais sens. Mais okay. C'est pas pareil. Inhabituel. Mon nom. C'est inhabituel. Je veux dire, Lara Croft, là, on dirait que c'est la lune. Elle saute là, puis oui, elle est full légère, puis ah non, les contrôles c'est pas pareil, puis je préfère vraiment The Last of Us. T'sais. The Last of Us, tu peux pas sauter, okay. Fait que t'es vraiment, puis c'est pas du platforming. Comment je pourrais dire ça? Je verrais pas, c'est simple, pas. Okay. Ouais, ben c'est ça, parce que c'est pas rien que ça non plus. C'est pas autant exagéré entre parenthèses de Uncharted, de ce que tu peux escalader partout, c'est ce que Drake. Il monte partout. Non, c'est un vrai singe. Sauterelle. Ouais, ouais. Ça, tu payes sur X bien vite, puis il fait tout, tout, tout, tout, tout. Ouais. Tandis que The Last of Us, non, c'est. L'animation que tu vas voir le plus souvent, c'est faire la courte échelle. Là. Ça, vous allez le voir incroyablement de fois. Mais ça fait changement. Puis même à un moment donné, ça, ils font comme une petite twist dans l'histoire. T'sais. Tu t'attends à ce que. Elle va monter. Mais ça arrive pas. Tu sais, je trouve que c'est des petits détails de même. Des fois, ils te surprennent. Puis la fin est vraiment bizarre. J'en dirais vraiment pas plus, mais j'ai fini le jeu, j'ai comme fait OK. J'imagine qu'il va y avoir du DLC. Ah, mais j'ai hâte de jouer, justement, je l'ai. Ah, je oui. Regarde la figurine, puis je fais faudrait que je joue. Faudrait que je joue. Ah oui, pour ceux qui savent pas, Dom s'est grillé. Je peux le dire, ça te dérange pas. C'était grillé d'un crucifix. Le collector, finalement, avec la figurine de Last of Us, qui est beau en chien. Mais qui est cher en chien aussi. Ouais, cher en chien aussi. J'ai payé un petit peu. Ouais, mais c'est une tonne de collection. Ah oui, mais disons qu'il est pas mal plus impressionnant que beaucoup d'autres collecteurs que j'ai eu là. Mais elle, là. Alors, il a quelque chose. Elle est vraiment belle, honnêtement. Très beau, très belle pièce de collection. Y avait-tu autre chose à part la figurine? Ben, je veux dire, de hot ou c'était vraiment. Oui, ben, il y a un steelbook. Ouais, que, qui est quand même nice. C'est du DLC, bien entendu. Mm. Puis il y a une espèce de petit, une petite mini BD, je pense. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est le livre 1 du. Je pense qu'il y en a 4 en tout. Que, non, j'ai trouvé ça cool. Ouais, puis si je me trompe pas, ces BD-là, ils l'avaient dans l'édition Survival. Ouais. Tu sais, t'as comme l'édition normale, t'as la Survival Edition, puis t'as la grosse édition. Mm. Puis cette BD-là, ils l'avaient dans la Survival. La Survival, c'est ça. Je crois pas que ça valait la peine tant que ça. Survival, c'est celle-là qu'on avait ici, je pense, qui était indisponible au Canada. Ben, en fait, les deux places, mais ce qui arrive, c'est que l'édition avec la figurine, la post-pandémique, ça, c'était exclusif à EB Games, US. Ouais, sauf que ça a été compliqué. Je connais du monde qui a essayé d'en avoir, ça a été compliqué. Oh oui. T'es très chanceux. Ah, oh, regarde, c'est génial. Après ça, j'ai joué à Mighty Switch Force. Un bon jeu de platforming. Une bonne bande originale aussi là-dedans. Ouais. C'est un jeu qui est facile dans le sens que, tu sais, le but du jeu, c'est parce que t'es une police qu'il faut qu'il sauve des criminels, des criminels féminines. Puis le gros hot du jeu, c'est que t'as des espèces de cubes, des plateformes. Ok. Puis quand tu pèses sur soit A, et sur R, moi je l'ai joué sur 3DS, je sais que le Hyperdrive Edition qui est sorti sur la Wii U, quand tu payes sur ces boutons-là, les formes changent, autrement dit. Tu sais, fait que ça fait comme alterner. Mettons, tu vas avoir un bloc qui va être pas actionné, là l'autre va être actionné, vice-versa. C'est vraiment le fun, mais WayForward, là, autant je les adore. La musique est écœurante, tu sais, c'est notre Jake Hoffman national. C'est pas facile. Moi, c'est le dernier niveau, là, je te dirais, l'incident 16. Man, que j'ai passé une soirée de temps là, à essayer de l'avoir. Des fois, c'est tannant. Des fois, ça peut... Comme ça m'a fait ça, moi, avec Bitfairpreneur. Dans les derniers niveaux, là, ça venait trop chiant. Rendu à la fin, là, tu manques ton coup, tu recommences. Je fais « Ah, God, j'ai pas patience, me semble, pour ça. » Puis le premier était Bitfairpreneur, comme tu me disais. Il y a pas de checkpoint comme le deuxième. C'est ça, là, c'est ça qui est tough. C'est une raid, puis... Tu sais, puis des fois, ça va super bien. Là. Tu commences un tableau, tu le fais, tu l'as du premier coup. Puis là, maintenant, t'arrives à un autre, bon, là, tu l'essaies, ça va bien, tu te rends quasiment à la fin, oups, là, tu crèves, là, tu le refais quelques fois, t'es plus capable, moi, ça me... Ah, ça gosse, ça gosse. Mais le deuxième, Bitfairpreneur, lui, je vais sûrement me le prendre, parce que... Il tombe en spécial assez souvent. Ouais, puis il y a des checkpoints aussi, fait que ça laisse une chance. Il est beau, en plus. Mm. Fait que, excuse-moi. Non, pas de problème. Mighty Switch Force, bon jeu que je vous conseille, honnêtement, mais... oui, parce qu'il est pas super long. Moi, okay. Je l'ai fait quand même, là, d'une traite. Ben, pas d'une traite, mais... Vers la fin, vers le milieu à peu près, puis je me suis clenché d'une traite. T'as des niveaux bonus aussi. T'as 4 niveaux bonus un coup que tu l'as fini. Okay. Bon jeu, bonne soundtrack évidemment. Ensuite, j'ai terminé Bioshock Infinite. Hey, cool. Ça, c'est un triple A. Bioshock, c'est quand même un petit bout qui est sorti. Je pense qu'il avait sorti au mois de février. Puis dans l'été qui a passé, écoute, moi, en ne travaillant pas tant que ça, j'ai gamé beaucoup, je n'ai fait que ça. Fait que, ouais, finalement, j'ai terminé Bioshock Infinite. Pour ceux qui ont joué la bataille de la fin, moi j'ai trouvé ça assez... Je m'en avais déjà fait parler via Angry Joe. Ça, c'est un gars que je t'avais parlé qui fait des critiques sur Internet. Oui, sérieusement, je m'abonne à ce gars-là. Ouais, je vous conseille d'aller voir ses critiques, Angry Joe Show. Vous allez voir, taper son nom sur YouTube, même sur Google. C'est un gars qui fait des critiques, il est vraiment bon. Puis, ouais. Mais bon jeu, la fin est fuckée en sifflette. Le monde disait, ah, oh, c'est une bonne fin, nanana. Moi, j'ai trouvé que c'était une fin assez... check bien ça. On va te faire acheter la Season Pass puis les DLC parce que c'est mystérieux de même. Okay. Ou, je sais pas, la fin m'a vraiment donné cette impression-là. Oui, c'est hot, c'est mystérieux, mais pas de là à dire que ça clôt vraiment la franchise. T'sais, on voit que il y a encore des questions qui sont pas répondues, il y a encore des choses. C'est vraiment. C'est de quoi? Puis au niveau du gameplay, ben, ça reste quand même. Ça, j'ai pas trouvé qu'il y avait une amélioration telle quelle. C'est vraiment, on est dans l'univers de Bioshock, on fait ce qu'on a à faire. C'est du shooting bien ordinaire, bien cool. Mais bon jeu, tu sais, le graphisme est vraiment beau, tu sais, il y a du détail en masse. Fait que c'est ça, je vais pas trop en parler non plus. C'est un jeu qui fait longtemps qu'il est... Mais je l'ai joué, tu sais, puis okay. ceux qui attendaient vraiment de l'acheter ou whatever. Non, sautez là-dessus, ça vaut vraiment la peine. C'est un 60$. Bien investi que je vous recommande fortement. Ensuite, on a... Ben, écoute, là, ça, ben, c'est de ton bord. Là. Hell yeah! Hell yeah! Rat of the Dead Rabbit. Ouais, toi, je pense que tu l'avais-tu fini? Non, hein? Non, je l'ai pas fini tout à fait. Okay. Moi, j'ai hâte d'entendre ton opinion là-dessus. Parce que, contrairement à ce que bien du monde pense, et bien, en tout cas, ce que le monde pense proche de moi, c'est pas un jeu que j'ai dévoré comme je voulais, comme je pensais que j'allais le dévorer. Ok. Ouais. Ben, premièrement, ben, l'esthétique du jeu est vraiment géniale. Ah oh, oui, ça là-dessus. Ouais, c'est graphiquement, c'est beau, c'est détaillé, ça, c'est coloré, l'environnement est super. Un des points négatifs que je donnerais, c'est les contrôles des fois. Ouais. C'est exact. Pas évident. Exact. Ça, c'est ce qui m'a vraiment frustré et fâché, les contrôles. Parce que c'est tellement stiff des fois. Ben, autant que j'ai l'impression que le personnage, il glisse. Ouais, ben surtout qu'il est sur, une espèce de gros aussi. Puis des fois, t'as un petit peu de platforming à faire, puis il faut que tu prennes ton temps. Mm. Mais tu bouges le moindrement, puis il décolle. Là. Oh oui. Là, tu tombes dans l'impliquant, puis tu meurs. Puis là, ben, c'est frustrant un peu des fois, parce que là, t'as pas le choix avec la vie, elle remonte pas tout seul. Faut que t'aies dans des douches de sang. Là, c'est quand même très drôle. Je cherche à comprendre. Je vais parler de l'humour là-dedans. C'est drôle en estime. Ah oui, l'humour est là. Sérieusement, là, je veux dire. Puis moi, rien qu'en startant le jeu, j'ai ri. Tu sais, t'as comme Sega, comme dans le temps. Mm. Puis après ça, tu sais, l'histoire, on s'entend, c'est un espèce de démon, je sais pas trop, squelette, qui fait l'amour à des petits canards en plastique. Finalement, il y a quelqu'un qui met ça sur Internet, puis il y a 100 personnes qui le voient, puis là, faut qu'il se venge de ses. Il les tue littéralement, là, parce que c'est fait de réutiliser. Tu sais, c'est. À quoi s'attendre avec un scénario de même? Tu peux juste t'attendre à un jeu qui est complètement juste déjanté. Fait que ça, là-dessus, j'ai absolument rien à dire. C'était vraiment Ça, sérieusement. Pour chaque ennemi spécial que t'as à tuer, hein, t'as comme une espèce de mini-jeu à faire. Ouais, les mini-jeux. Qui fait penser vraiment... Mortal, là, un peu. Qui fait penser à WarioWare, te dirais. Je sais pas si je connais WarioWare. Ouais. Ça faisait vraiment penser à ça. C'est vrai, c'est vrai. Tu sais, des fois, t'as pas vraiment le temps pour faire le mini-jeu. Puis là, tu cherches quoi faire, puis là, là, tu manques ton coup. Là, tu perds de la vie, puis là, le boss, ça revient avec un peu de vie. Ça, j'ai trouvé ça frustrant par bout. T'sais. Ouais, ben ça, des fois, je manquais mon coup sur ces mini-jeux-là. Puis, tu sais, c'est pas parce que je voulais pas. Comment je peux dire ça? C'était mal fait, je trouvais. Comme un bout, t'as une espèce de bébé, une place qu'il faut que tu tues. Puis, faut que tu le tires avec un snipe ou un gun. Je me souviens plus trop quoi. Bref, le mini-jeu, là, c'est un espèce de. Tu sais, là, les machines à toutou avec les manivelles, faut que tu mettes une scène, puis tu contrôles avec une. Bon. Ben. Moi, je manquais mon coup parce que il allait vraiment vite, la pince allait vraiment c'est vite. Chiant, ça. Puis là, ce qui arrivait, c'est que c'est ça, je manquais mon coup, puis là, je mourais parce qu'il me restait vraiment pas trop de vie. Fait que là, fallait que je reparte de l'autre bord, aller me chercher de la vie, je revienne, puis là, après ça, je refaisais le mini-jeu, puis là, je l'avais pas, je manquais tout le temps mon coup. Fait que là, on est puni dans ce temps-là. C'est ça, on perd de la vie, alors que là, tout simplement, moi, j'ai juste manqué mon coup parce que techniquement, là, la bébête, je l'ai tuée, là. C'est juste que là, le jeu veut que vraiment tu le finisses, tu sais, avec un finish him complètement capoté. Mais, tu sais, je l'avais fini, je l'avais tué, puis là, ben, je manquais mon coup parce que c'était un pixel que je manquais. Fait que, finalement, quand je l'ai eu, plus tard, j'ai comme fait, tu sais, j'y ai vraiment redonné sa chance parce que, non, moi, tu sais, quand ça gosse trop longtemps, man, j'ai eu ça. En tout cas, c'est moi. Mais en général, c'est vraiment le fun. Ouais, quand même, ouais, c'est ça. Fait que ensuite, toi, t'as joué à Resident... Resident Evil... Revelation. Ouais, Révélation. Révélation. Ouais, non, je l'ai pas encore fini. Je dirais que j'ai peut-être fait la moitié. En tout cas, je sais pas trop. Mais à date, je l'aime bien. Étrangement, y a pas de zombies là-dedans. Non, c'est ça, y a pas de zombies. Y a pas de zombies, c'est d'autres bébites dégueulasses. Quoi? Mais, aquatique, genre fucké, là, avec des tentacules. Ouais, avec pas de yeux pis des grosses dents. Les babites pas le fun, là, tu sais. Mais il y a le fun au début, j'étais pas sûr. Bon, il va-tu être épeurant, ça va-tu avoir un peu de frayeur, pis tout ça. Mais non, il y a des bouts que. Ah ouais, oui. J'ai solidement eu peur, là. Il y a quelque chose en dessous. T'sais, maintenant, t'as un boss à combattre dans un espace vraiment restreint. T'sais, maintenant, je me vire de bord, il est dans ma face. Fait, ah! Ah oui. Ben, c'est ça, tu sais. Parce que jump c'est. Scare. Ouais. Ben, c'est ça, parce que des fois, t'es à. Parce que veux pas, t'as quelqu'un qui t'accompagne dans le jeu. Pis, j'ai pensé au début, ah, t'es à deux, t'sais, t'auras pas peur, pis tout ça. Mais non. Là, justement, la séquence que j'ai eu peur, j'étais tout seul. Fait que c'est ça qui est cool. Il dit, ouais, je vais t'attendre quelque part, puis va chercher, c'est beau. Fait que là, dès qu'il dit ça, là, tu sais que t'es pas safe. Là, c'est là que. Ouais, c'est là l'attention que monte. T'as plus peur. Ouais, c'est ça. Non, j'ai trouvé ça cool. Ah non, c'est vraiment nice. Enfin, puis... Resident Evil, le style qui a du bon sens. Qui revient un peu aux racines, entre parenthèses. Moi, je dirais que c'est un mélange du 4, peut-être, puis du 5. Je vais mettre le 6 là-dedans, je l'ai pas tant aimé. Non, le 6, je l'ai pas tant aimé non plus, puis c'est pas parce que j'ai pas voulu lui donner une chance. Non, je trouve que vraiment, ils ont vraiment remis ce que Resident Evil devrait être, parce que tu sais, la licence, après le 6, là, ça commence à s'essouffler, là, puis solide. Bah, déjà rendu au 6, là, il y a deux campagnes que j'ai aimées, puis ça, c'est pas mal tout. J'ai même pas fini, je pense, celle-là de Ada, je regardais la fin sur YouTube, puis non. Non, c'est pas intéressant. Puis tu sais, ce jeu-là, originalement, Resident Evil Revelation, il était sur 3DS. Oui. Puis, écoute, c'est génial, le monde, tu sais, disait, Crime, c'est un jeu qui gagnerait sur console, tout ça. Ouais, c'est puis ils l'ont fait, en plus. Content, vraiment. Puis tu sais, avec la manette, tout ça, dual... les deux joysticks, contrairement à 3DS, que là, fallait que tu t'achètes l'espèce de burger que tu crisses en dessous. Que... Ah ouais. Ah oui. Ah oui. Mm. Ben, non, c'est-à-dire pour avoir une meilleure jouabilité, tu sais, t'es pas obligé de l'avoir, okay. Mais quasiment, tu sais, parce que le jeu, il se contrôle vraiment mieux avec ça, tu sais. En tout cas, bref. Moi, c'est pas un jeu que je vais racheter comme là, à ce prix-là, parce okay. que comme je te dis, moi, je l'avais déjà. Mais qui tombe vraiment pas cher, c'est sûr, je me le pogne puis je le fais parce que, tu sais, avec la version console, ça doit être malade. Bon, moi, à date, j'ai bien du fun, puis tu peux customiser tes armes aussi, t'as un coffre comme les anciens. Non, à date, là, aucunement déçu. Ah, c'est ça, il va être le fun à terminer. Mm. Ensuite, comme dernier jeu qu'on a joué, on a joué pas mal. En fait, moi, j'en ai joué bien plus que ça, mais on perdra pas trop notre temps avec ça non plus. Hey, The Binding of Isaac, oui. Bien content qu'on parle de ce jeu-là. Ouais, c'est assez spécial. La première fois que je n'avais entendu parler, moi, c'était en Opon. C'était Charles qui avait fait ah, une critique. Ouais. Faudrait que je regarde. Faudrait que je la regarde. Ouais, là, je l'écoute. Ça avait l'air fucké comme jeu. Puis, man, c'est le fun en sacrament. Ben, au début, je sais pas pour toi, mais moi, j'avais de la misère à comprendre le concept. T'sais, je commence ouais, le jeu, aussi. Bon, t'sais, je fais quelques tableaux. Puis, tout ça. Puis là, à un moment donné, je me dis, bon, on va save. Tu sais, on va aller dîner, on va aller quelque part. Bon, il n'y a pas de save. Bon, ce qu'ils sont, ils savent. Peux-tu nous regarder? Là, je vais voir sur Internet. Puis, tu sais, là, ils disent, non. Si tu crées, ben t'en reviens au début. That's it. Ah, ok, bon, dans le fond, le jeu doit pas être bien long, fait que c'est good. T'sais. Puis ça, là, je refais le jeu, puis à un moment donné, hein, mais c'est bien différent. Mm. Ça, à toutes les fois, ça change. Ce qui est vraiment cool avec ce jeu-là, c'est que c'est aléatoire à toutes les fois. Tous les items que tu vas pogner dans les salles de trésors, ça change à toutes les fois. Ouais, fait que tu sais, des fois, c'est moins évident parce que tu pognes des items de merde, mais... mais des fois ça a pas d'allure, t'sais, c'est des fois c'est ça qui est dur, t'sais, faut vraiment que tu sois bon parce que des fois si tu pognes des systèmes de merde ça rend le jeu plus dur, vraiment plus dur. Puis c'est déjà là qui est quand même pas facile en partant. Puis des fois moi je me souviens des playthroughs que j'avais, ça allait super bien, tu sais, je pogne un item, tu sais, c'est comme t'as une espèce de cache-œil, tu sais, comme les Super Saiyan dans Dragon Ball. Ouais. C'est over 9000. Puis ça pitche un laser. Puis le laser, il va vraiment par-dessus. Ouais, ça, c'est bon, technologie. Les roches, puis tout ça, genre, ouais. Puis là, ça allait super bien, mais gars, à un moment donné, j'étais arrivé d'un boss ou d'une salle, puis je me suis fait buter parce qu'il y avait trop de monde. Puis là, j'étais. Dans ce temps-là, mon PC, il laguait à mort, là, tu sais. Ah, mais c'est mon pas ancien, long, c'est ça, qui... ça qui. Tu peux mourir d'un claquement. Ouais, mais c'est ça, des fois ça va super bien, puis à un moment donné, tu pognes une pièce qui a vraiment du monde, puis c'est pas long que ça dégringole. Ouais, c'est ça. Alors, ça, j'ai vraiment trouvé ça dommage, mais overall, le jeu, je pensais pas aimer ça de même à ce point-là. Mais c'est tellement, c'est un gros hommage. Oh, c'est sûr, tout le monde a remarqué ça, certain. Quand tu joues à. C'est un hommage au donjon carrément de Zelda. Ah, oh, ouais, c'est ça, littéralement. T'as même la petite map là, de Zelda, comme Zelda 1 au NES au début. Avec les espèces de rectangles qui forment la map. Même ta barre de vie, tes cœurs. C'est ça. Puis de la manière que ça fonctionne, c'est que contrairement à un jeu conventionnel qu'on va jouer avec les flèches, tu te promènes avec, je pense que c'est WASD. Ouais, WASD. Puis tu tires avec les flèches. Fait que, les flèches. Oui, parce que c'est un espèce de shmup, tu sais, dans le sens que tu peux aller de haut à gauche, tout ça. Tu peux tirer pas mal n'importe où. Tu sais, en haut, en gauche, à droite, n'importe quelle direction. Sauf que, c'est ça, c'est que t'as ce principe de shmup-là, sauf que les bébites, eux autres, tu sais, ils ont comme des patterns différents, là. Fait que ce qui fait que ça mélange plein de styles, tu sais, ça mélange le dungeon crawler de Zelda, puis ça mélange un genre de shooter, là. Du coup, j'ai dit shmup, là, mais ça peut être genre style plus shooter. Mais c'est tellement awesome. C'est addictif, là. Au fond, je me suis remis dedans, là, j'ai une trentaine d'heures de fait, puis c'est vraiment le fun. J'ai une dizaine d'heures de mis dedans, puis je connais quelqu'un qui a mis 72 heures là-dedans. Je pense que c'est quand je faisais des lives à un moment donné que quelqu'un m'a dit ça. Mon cousin a 52 heures. Fait que c'est vraiment un jeu qui gagne à être connu parce que non seulement il est pas cher, mais c'est comme faire une game de. Tu sais, le monde dit ah, moi je joue à LOL, tu sais, League of Legends. Là. Ouais. Puis, tu sais, le monde vont dire que règle générale, ça lui prend 45 minutes de faire une game. Ben, moi, c'est mon LOL à moi. C'est mon League of Legends. C'est-à-dire que, tu sais, quand t'as rien à faire, je passe là du dîner, whatever, tu t'assis, tu fais une game. Puis même si j'ai jamais passé le jeu en tant que tel, pour moi, c'est pas grave parce que le jeu est tout le temps différent. Ah, c'est ça qui est le fun. Ou, tu sais, à la limite, il va se ressembler beaucoup quand même, mais je veux dire, peu importe ce que. Avec l'extension, bien sûr, on vient que t'as tellement des niveaux différents, t'as des items à différentes places, c'est jamais pareil. Fait que tu t'emmerdes jamais, finalement. Là. Tu t'es tout le temps en train de renouveler ton gameplay. Fait que même s'il est pas en spécial, là, même si en ce moment même, sur Steam, allez vous chercher ça. Probablement qu'il va l'être avec les Summer Sales, du moins je l'espère, là, mais ça vaut chaque hostie de pièce que vous allez mettre dans le jeu. Là. Ça vaut vraiment c'est qui cool, cette valeur, il est juste sur PC, par exemple. Mmh. Mais plus tu fais le jeu, puis plus les ça va être dur, plus il va y avoir des nouveaux ennemis. Ouais. Là, c'est, je pense qu'il y a... Des items qui s'ajoutent aussi. Ouais, c'est ça. Je pense que dans les achievements, là, je pense que tu peux, en faisant 9 fois le jeu, en le passant 9 fois, t'as quelque chose de nouveau. Ah ouais? Ouais. T'es malade. Je l'ai jamais même pas passé une fois, moi. Ouais, je suis rendu à 8, je pense, ça. Fait que là, ça commence à être tough. Ouais, c'est sûr. Pas mal ça doit. Mm. En tout cas, non, c'est vraiment là, très awesome. Yes. J'espère du moins qu'il va... Kenmon va... T'sais, parce que c'est le créateur de ce jeu-là, va essayer de le porter sur d'autres machines parce qu'il mérite être connu. Mais c'est sûr que c'est violent pas mal, on s'entend. Ouais, mais c'est un humour assez particulier. Hein. Ouais, c'est gore, là. Tout le monde pleure aussi, tout le monde est triste. Tout le monde est triste, c'est tellement dépressif c'est comme c'est jeu. C'est en dépression, je ne conseille pas de voir ça. C'est vrai, les gens qui pleurent tout le temps, puis tu sais, c'est lent. C'est violent, là. Oh, oui. Non, je veux dire, le monde qui pensait que c'était, tu sais, on parlait de Zelda, là. C'est loin d'être hot comme shiny puis le fun comme ouais. Zelda, là. C'est violent, des fois t'as des fesses, t'as des paires de fesses d'en face quand tu prends des items. Puis ton bonhomme il change aussi, fait que ouais. Quand tu pognes des items, fait que des fois c'est des items vraiment violents. Comme hier on jouait moi pis Dom, ah, oui, j'ai pogné un power-up. C'est comme des Q-tips. C'est ça. Des Q-tips en bois, mais ouais. Ça élargit, dans le fond ça t'augmente ta force, mais ça t'élargit les yeux. Ouais. Fait que ça fait que c'est comme... Il des yeux pis il y a des yeux. Il est vraiment démoniaque pis... Ouais. Non, je vous jure, c'est vraiment dépressif. Pis tu sais, l'histoire, en partant t'écoutes la petite thématique du début pis tu fais comme, voyons donc. Ouais. Ça finit... En tout cas, de ce que je sais, il y a plusieurs fins, là, mais c'est tellement ouais. Dépressif, ce jeu-là. Là. Ah non, c'est... pensez pas que c'est joyeux. C'est excessivement gore. Gore. Gore. Fait que là, Dom, on serait rendu. On serait rendu. Oui, oui, oui. Hein? Oui, ah oui. À notre discussion. Oui. Cette semaine, la discussion qui va porter sur quelle est notre chanson avec une voix féminine préférée. On en avait parlé au dernier épisode, puis mon ami Dom m'a dit « Hey, ce serait une bonne idée qu'on en reparle. » J'étais comme « Ah oui, pourquoi pas? » Fait que c'est ça. Fait que là, ouais, notre artiste féminine préférée. Ben moi, c'est j'ai choisi une toune de Metal Gear Rising Revengeance. Ouais, c'est A Stranger c'est I Remain. Oui, qui est vraiment, mais vraiment très excellent. Bonne. Qui est vraiment bonne. Honnêtement, c'est un jeu de surprise, ça, Metal Gear. Donc, je parle au niveau de la soundtrack. Je m'attendais pas à ça. Ben, que ce soit demain. Parce que tantôt, quand on a. On fouinait sur YouTube, puis on est tombé. Parce que justement, la tune A Stranger I Remain, je pense qu'il y a plusieurs versions, je savais même pas. D'autres, on est tombé sur la version originale tantôt. Mais que je préfère, c'est la Agenda Mix, je pense. Ouais, c'est Agenda Remix. Ouais, c'est ça. Ben d'ailleurs, je pense qu'on la met dans le show. C'est bien ça le pire. Ben exact. Ça se peut-tu? Oui. Fait ouais. Que vous allez l'entendre probablement. Pas probablement, vous allez l'entendre dans le show. Ouais, non, c'est ça. Puis je la trouve vraiment. Elle est vraiment solide, la toune. Mm. Puis. Autant que. Le jeu, je l'ai même pas décollé. Là, je l'ai même pas joué encore. Fait que je sais même pas si je vais aimer ça. Mais la toune, soundtrack au complet maintenant. Non, c'est juste débile. C'est violent. Je trouve toi, que... c'est ton coup de cœur cette année aussi, pas mal. Bon, oui, c'est pas la meilleure, mais on va sûrement la mettre un jour. Puis d'ailleurs, je pense que je l'ai mis dans les musiques du jour. Sur le Facebook. Ouais. It Has to Be This Way, ça, je pense que c'est ma toune de l'année. je l'adore, elle l'écoute vraiment 5 fois par jour, minimum. Oh, oui, non, c'est quelque chose à maudit. Mais, ouais, tu excuses. Je trouve que la fille, justement, la fille là-dedans, je trouve que ça a un impact différent quand la fille chante. Moi, j'aime vraiment ça. Parce que la plupart des vocales, on peut dire, qui chantent là-dedans, c'est un des gars pour des tunes. Pour la plupart, oui. Pour la plupart, mais ça là, c'est vraiment une fille, puis je trouve que ça. Le choix est bien pensé. Ouais, le choix est bien pensé. C'est bien, ouais, c'était bien choisi, vraiment. Là. Ça aurait été un gars, ça aurait probablement pas sonné pareil. Tu sais, des fois, les filles avec leur voix autant puissante, tu sais, des voix qui sont. Qui propulsent beaucoup, qui ont un impact, ça rend la chanson vraiment. Plus épique, là, tu sais, t'as vraiment un feeling débile. Ah non, moi, ça. Vraiment, cette tune-là, je l'adore. Elle est vraiment le fun. Parce que sa version-là, la Angelo Mix, est moins longue que l'original. Tantôt, quand on disait, on est tombé là-dessus. Ce qui a fait la différence que j'ai remarqué, c'est que la version originale, la voix, la fille, est plus. naturel en parenthèse. Ouais, parce vrai. Que dans la voix, dans la, le mix, on peut remarquer qu'il y a comme la voix un peu modelée, un peu modifiée. Un peu modifiée. Puis c'est très électronique aussi, il faut dire. C'est du gros industriel électro. Moi, j'aime mieux ça, même. Ouais, moi aussi. Ben, les deux sont excellents. Vraiment. Ça dépend des goûts. Exact. Fait que, moi? Ouais, toi, moi. Moi, moi. Hey, moi, c'est ça. J'ai choisi une chanson, mesdames et messieurs, que j'affectionne tout particulièrement. C'est une toune qui me fait penser à une toune de James Bond. Et c'est la toune de Metal Gear Solid 3. Oui, mais je ne la connaissais pas. Merci pour la découverte. Ouais, c'est l'intro. C'est l'intro. Ouais. Elle a un nom, mais bref. Puis je me souviens plus de la fille qui la chante. On s'en fout. Vous allez l'entendre en background en ce moment, de toute façon. C'est vraiment malade. Je veux dire, cette toune-là... Autant que moi, la première fois que je l'avais entendu, c'était quand j'avais joué à Metal Gear Rising... non, Metal Gear Solid 3 au PS2 dans le temps. Puis j'avais tellement stické cette tune-là, elle m'avait tellement resté dans la tête, là, parce que c'est un écoute instantané, c'est un hit instantané. Tu sais, il y a personne, n'importe qui écouterait cette tune-là, ferait comme « wow ». Tu sais, là, ça propulse, c'est épique, là, je veux dire. C'est vraiment à la James, ça pourrait parfaitement fitter. Dans un film de James Bond, tant qu'à moi. Vraiment. Ben, quand on a regardé tantôt, je pense que cette tune-là, elle joue justement dans l'intro, c'est ça? Ouais, exact. Ben, on dirait carrément une introduction de film de James Bond. Littéralement, je veux dire. si je me trompe pas, en plus, ça, j'avais marqué c'était qui, mais comme de fait, mes notes sont toutes... mais on s'en fout. non, c'est ça, c'est Harry Gregson-William, qui est un compositeur britannique. Vraiment, ce gars-là... Le pire, c'est que pour la plupart, moi, ce que j'avais entendu dire dans ses interviews, quand il disait, bon, il parlait de ses musiques de jeu, que la plupart du temps, il jouait jamais au jeu quand il composait. C'est ce que j'ai entendu dire. Je sais pas si. Ah ouais. Je sais pas si c'est vrai ou si ça a changé. Mais, tu sais, ce gars-là, il a composé cette musique-là sans même voir le jeu, de quoi qu'il a de l'air. Tu sais, c'est capoté. La musique, en tout cas, de ça, ça aurait dû gagner des prix. Autant que Winston Wintory. Oui, t'as fait une bonne job avec Journey pis t'as été nominé dans les Oscars. C'est de valeur que la musique de Metal Gear Solid 3, même celle du 2 l'intro du 2 est débile aussi. Qu'on va mettre dans un des blocs aujourd'hui, elle est malade. Là, je veux dire, c'est malade. Ça n'a pas de sens. C'est digne d'un film. C'est digne d'un film. Littéralement. Ah, littéralement. De mon côté, juste pour en rajouter un peu, c'était Jimmy Christopherson. Ouais, Jimmy Christopherson, qui n'était pas un gars que je connaissais vraiment, je te dirais. Moi non plus. Il est assez underground dans la musique de jeu en général, je te dirais. Ouais, il a fait du stock pas mal, comme dans un jeu, il a fait, entre autres, mais, évidemment, Metal Gear Rising. Ouais. Lost Planet 2, Bionic Commando, Sequel, Spider-Man, Web of Shadow, The Golden Compass, Blade Storm, Stranglehold. The Lord of the Rings, The Battle for Middle-earth 2. Et Lost Planet. Il fait du stock pareil. Il fait moi aussi The Crow, Phantom Force, puis j'en passe. Non, c'est quand même... Mais il a jamais eu dans ces... tant qu'à moi, dans ces OST-là, qui ont vraiment submergé. Il n'y a aucun hit qu'on va vous faire passer aujourd'hui, tant qu'à moi, qui peut équivaloir à ce qu'il a fait avec Metal Gear Rising. C'est vraiment, je pense, le meilleur de ce qu'il a fait, personnellement. Non, j'ai pas écouté le reste, mais en tout cas, s'il est meilleur que ça, j'ai bien hâte de bien ça écouter ça. Ouais, vraiment. Mais c'est sûr que je suis pas mal sûr que dans Surf Up, qui est un jeu sur en fait, un film de petits pingouins, je suis pas mal sûr que ça va être très différent de Metal Gear Rising. Oui, oui, oui, oui. Fait que, en gros, c'est pas mal ça. Fait que, je suis content, j'ai un nouveau segment de nouvelles. Ça, c'est. Yes. Ça fait longtemps que j'avais ça en tête. Puis c'est quand même assez dur, je vous dirais, d'avoir des nouvelles, tu sais, super fraîches et récentes sur la musique de jeux vidéo. Je fais ce que je peux. Mais je vais essayer de vous en donner comme ça chaque semaine ou chaque fois qu'on. Tu sais, chaque épisode. On va varier, tu sais, ça va dépendre des affaires que je vois et que je parle. Donc, on y va dans les nouvelles. Première nouvelle, le projet Final Fantasy VI sur Ocre Remix. Bon, on va mettre de quoi au clair en partant. Ocre Remix, j'ai de la misère un peu avec moi aussi, je suis pas un fan en tant que... Je suis pas un fan de Fanny. Pourquoi? Parce que, ben souvent, le tune qu'ils font, les remix qu'ils font, je dirais 80% de ce qui sort de là, j'aime pas ça. Parce que ça ne fit pas avec la tune originale, ça n'équivaut pas à ce que, tant qu'à moi, la musique devrait ressembler et ressemblait dans la vraie vie. Puis même si en même temps, la musique et la réinterprétation de tout ce qu'on fait, c'est bien souvent c'est à la vue de l'artiste. T'sais, lui, il va l'imaginer d'une certaine façon, puis il va aimer ça. Mais je trouve que ça, bien souvent, ça fait pas. T'sais, on écoutait pour le fun hier, je pense que c'est Ocre Remix qui avait posté quelque chose sur Twitter. Je clique sur ça, c'était un genre Mega Man 2, Quickman. Je pense que c'était Quickman, avec des paroles. Il y avait des paroles, c'était rapide, c'était en japonais, tout ça. Non, moi, j'écoutais, c'était réputation je japonais. Reconnais à peine la toune, ça me plaisait. Je le reconnaissais pas, puis ça me plaisait pas, puis c'est pas mal le même feeling que j'ai tout le temps. Tu sais, quand je clique sur une photo, ou non, pas une photo, c'est-à-dire une vidéo, tu sais, que je l'écoute. Mais là, j'avoue que là, ils ont vraiment frappé fort, la gang. Je veux dire, oh, Ocre Remix, ça. Dans le fond... je vais t'impressionné aussi. Ocre Remix, le 25 octobre 2012, ont réussi à... ils ont fait un Kickstarter, ça je le savais pas. Et ils ont starté, dans le fond, un projet qui s'appelait... Final Fantasy, Balance and Runes, si je me trompe pas. Mon Dieu, j'avais le nom tantôt. Ouais, ouais. Moi, je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça, Balance and Runes. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, fait qu'il avait fait un Kickstarter de 30 000 au début. Ouais, bah c'était ça le but premier. C'est ça, puis tu sais, bon, vraiment un gros projet, là. Tu sais, 5 disques, making of, tout ça, vraiment, là. Puis finalement, ça s'est... terminé à 153 633 $. Hey, c'est fou pareil. Hein? C'est d'après moi, il devait pas s'attendre à ça vraiment. T'sais, pour un projet qui au début pensait qu'il allait juste avoir 30 000, ben ils ont eu 153 000. La preuve est là, mon dieu. C'est marqué hein, qu'il y a eu 2509 fans. Ouais, de tout le globe. Ils ont pas juste donné une pièce chaque là. Il y en a, je pense, qui ont donné 300, mais ils ont fait 2000, il y en a qui ont mis des 300 pièces là-dedans. C'est fou. Puis moi, ça me fait, moi, ça me dit quelque chose. Ça se passe. Il y a quelque chose qui est évident là-dedans, c'est que le monde aime encore la musique de Final Fantasy et surtout celui-là. Surtout aime encore sixième. L'univers. Ben vraiment. Fait que tu sais, pour les fans de Square Enix, pour ceux qui aimaient cet univers-là puis la musique de ça. Je trouve que c'est un beau message que la communauté envoie justement à Square Enix. Le monde aime encore ça, le monde veut encore des projets comme ça. Puis non seulement c'est plus la compagnie qui fait des affaires de même, mais là c'est d'autres mondes finalement qui prennent en charge des projets comme ça puis qui font vraiment des trucs fantastiques. Fait que moi je dis arrêtez de gaspiller votre temps sur Final Fantasy, ce que vous faites en ce moment, tant qu'à moi, ça vaut pas la peine. Concentrez-vous sur ce que le monde veut. Je veux dire, je pense pas que le monde veut tant que ça, voulait tant que ça, du moins Final 13. Tu sais, j'ai vu le trailer de Final 15. J'ai eu un once d'excitement, mais pas plus. Ouais. Tu sais, le monde veut du vieux stock. Puis encore là, le vieux stock, ça marche plus. Ils ont sorti de quoi sur iOS dernièrement qui m'a déçu. Tu sais, Final Fantasy Dimension, c'était comme... c'était fade là. Sur iOS ça se contrôle super mal, fait que bref, ben, ce genre de projet là j'encourage ça à fond. Moi c'est sûr que je le télécharge, ça va être gratuit. Il tire ça pas mal par exemple les Final Fantasy, ben, oui. Je trouve que c'est rendu pas mal trop ça, oui. C'est expiré depuis longtemps. Puis tant qu'à moi ça aurait dû évoluer en autre chose ou ça aurait dû continuer dans le MMO, tu sais, parce que Final 11 a vraiment pogné. Ouais. Tu sais, ça aurait pu être une fin ça... mais c'est sûr, c'est une vache à lait, veut pas quelque part j'imagine. Parce que sinon, il en ferait pas. Tu sais, il continuerait pas l'en faire. Il passerait peut-être à autre chose. Mais bon. Fait que bref, tout ça pour dire, on dérape. le projet Final Fantasy Balance and Rune, ça va être, ils savent pas quand est-ce que ça va être disponible. Mais ça va être gratuit sur le site de. Cidre de pomme. Sur le site de OCRemix.com. Je vais juste taper ça sur Google. Je suis surpris que ça soit gratuit. C'est vraiment une bonne chose. Ben, tout, en fait, c'est ça. C'est que tous les projets, en fait, les albums que tu vas trouver sur Ocre Remix, c'est gratuit. Il n'y a rien qui coûte de l'argent. Okay. Puis moi aussi, je suis quand même surpris que ce genre de projet-là coûte rien. Parce que, veux, veux pas, ils ont quand même. Ils ont eu la pluie du monde. T'sais, j'imagine que le monde qui ont backé devait avoir des goodies. Là. C'est plate. J'ai pas vu Kickstarter passer. Okay. Parce qu'avoir su, j'aurais aidé ça, ce projet-là. Mais... oui, je paierais pour ça facilement. Ah, c'est sûr et certain. En tout cas, fait que on passe à la deuxième nouvelle. Dans les sorties de OST gratuites, on a Mighty Switch Force 2 qui est sorti dernièrement par Jake Kaufman. Excellente bande originale. Vraiment bonne, je l'ai écouté, puis sérieusement, ça vaut la peine. Je vous conseille d'aller voir ça. C'est ça qui est le fun. Vous pouvez mettre le montant que vous voulez sur son Bandcamp à Jake. Fait que si vous voulez mettre une pièce, deux pièces, peu importe, puis tout downloader, tout ce qu'il fait, ben je vous le conseille fortement parce que c'est vraiment bon. Donc, j'ai pas essayé Mighty Switch Force 2 encore, mais je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je vais attendre. Je vais attendre voir qu'est-ce que les critiques disent. En date, j'en ai pas vu tant que ça. Fait que bref. Ça devrait être quand même bon. Dans les troisièmes nouvelles, Dom, je te laisse la dire, celle-là. Parfait. Eh oui, notre collègue... collègue de travail. Collègue de travail. Ouais, Johnny Atma, enfin de retour. Hey, ça, ça fait longtemps que j'attendais ça. Je peux pas savoir comment. Oh, man. Johnny Atma, en fait, ben, je pense qu'on en a déjà parlé un peu. Je vais quand même en redire un peu. C'est un gars qui fait des covers de musique de jeux vidéo. Mm. C'est un gars qui est indépendant. Ouais, c'est ça. Il fait un peu comme Vomitron. Puis lui, ce qu'il fait, dans le fond, comme là, c'est rendu qu'il se filme. Puis là, il fait carrément des covers avec de la guitare électrique. Là, puis du drum, c'est très métal, on s'entend. Ouais, c'est ça. Puis ce que j'aime, c'est qu'il fait tout lui-même. Mm. Puis il est vraiment bon. Il est solide, en hostie. Puis lui, il était parti un an de temps, de ce que j'ai lu. Ouais. De ce que, au moins. Si c'est pas plus. Lui, il était parti vraiment pour décompresser, passer à autre chose, se reposer un peu pour revenir plus fort. Son nom aussi, il a été comme... Il a été... c'est ça, c'est que lui, il s'appelait Johnny Depp avant. Puis il y a eu des copyrights, des problèmes de copyright. Il y a quelqu'un qui avait enregistré ce nom-là, tout ça. Puis ça avait été un coup rough pour lui. Ouais, vraiment, puis je le comprends. Tu sais, t'arrives... T'as un brand, t'as un nom, puis il y a quelqu'un qui arrive et dit « Ah non, c'est à moi ça. » Fait qu'il faut que tout que tu changes, tout ce qui était ton nom finalement, t'effaces ça. C'est sûr que moi, si j'aurais été lui, j'aurais tout simplement changé de nom sur YouTube ou sur son site. Mais probablement que ça a effacé plus qu'on le pense. Ouais, c'est ça. Fait que non, je le comprends. C'est pas facile, ce genre de choses-là. Donc là, son channel YouTube est réouvert. Il y a 3 vidéos de postées. Ouais, exact. Après ça, il y a aussi un compte sur Newground. Ouais, ça, j'ai pas été voir, par exemple, son compte Newground. Mm. J'imagine que ça doit être similairement les mêmes choses, mais ceux qui sont très actifs sur Newground, tapez Johnny Atma. Je dirais d'aller sur YouTube, veux pas t'as les vidéos, tu sais, ce que ouais, tu veux jouer. Ouais, c'est ça. Mais sur Newground, je pense que pour télécharger ses musiques, c'est mieux. Ok. Non, je savais pas qu'il y avait ses musiques sur Newground, par exemple. Puis Johnny Atma, c'est JonnyAtma. Ouais. Marquez ça pour trouver son channel de Newground, c'est pas mal plus facile. Et d'ailleurs, YouTube, évidemment. Voilà. Il y a un site internet aussi, johnnyatma.com. Ouais, je pense que oui. C'est encore actif. Qui est pas mal basique, là, ce qu'il vient de l'ouvrir, il est dans la construction. Mais non, je vous conseille d'aller voir ça. Moi, c'est un des. Je l'adore, ce gars-là. Il est vraiment bon dans ce site. Il est vraiment solide. Ouais. Fait qu'on est bien content qu'il revienne, puis on espère voir du stock. Qui va faire du stock futur. Mm. Des bons covers comme il le fait si bien. Ouais, fait que c'est ce qui se termine les nouvelles. Ouais, puis notre intro. longue intro. Est vraiment longue, mais je pense qu'on on a couvert pas mal de bons stocks. Fait qu'on devrait être prêt au bloc number one. Mais bien sûr. Oui. fait que en première position du bloc numéro 1, on en a parlé tantôt. Ouais. Metal Gear Rising Collective. Collective Consciousness. Agenda Remix. Finalement, on pensait que c'était... Ouais, on pensait que c'était lourd, mais non. Mais non, c'est ça. Mais elle est bonne aussi, ça. Oui, elle est excellente. Pas d'inquiétude, elle est géniale. De toute façon, elle qu'on a parlé, vous allez l'entendre en background anyway, fait que c'est pas comme si vous n'allez pas l'entendre. mais non, c'est ça. Fait que non, elle est vraiment bonne. J'ai pas tant de trucs à dire plus de ce qu'on a dit, à part que la toune, c'est assez... C'est CV, c'est du gros métal, tout ça. Mm. Moi, c'est pas mal ça que j'ai à dire là-dessus. Ah, mais c'est ça, comme on disait, la version entre la version originale puis le mix, ils ont comme... comment je dirais ça? Électronifié la chose. Tu sais, c'est plus... Non, oh, ouais, c'est ça, exact. Il y a plus de montage. Ouais. Next! C'est quoi la deuxième? Deuxième, c'est le thème principal de Metal Gear Solid 2. Ah! Ça, c'est génial. Monsieur Harrison a fait une job débile, je veux dire. Mm. Ça n'a pas de sens comment que ce soundtrack-là, cette tune d'intro-là est bonne. Ouais. C'est une vague, je veux dire, ça start pas tout de suite. Ouais. C'est vraiment, ça commence dans l'intro avec la symphonie qui joue, tout ça. Puis après ça, man, ça te rentre dans tête, là, littéralement. Je l'ai écouté longtemps en boucle, là, c'est débile. Elle est vraiment bonne, tu sais. Puis c'est ça, ouais, c'est Harry, j'ai dit Harrison, mais c'est Harry Gregson Williams. Ouais. Fait que c'est ça, non. Il a collaboré avec, c'est ça, il a fait beaucoup de collaborations quand même. Tu sais, c'est un gars qui a travaillé sur bien des affaires. Puis je savais pas qu'il travaillait aussi au studio, en fait, Media Venture, qui a été fondé par Hans Zimmer. Hans Zimmer, qu'on connaît pour, entre autres, la soundtrack du Pirate des Caraïbes et tout ça. Très bon aussi. Puis je pense qu'il a fait Gladiator aussi comme musique. Ça se peut. Fait que Hans Zimmer, non, il est vraiment très très très bon. Fait que non, c'est cool. Pas n'importe qui. Belle, bonne toune. Ensuite, numéro 3. Wow. Hey, déjà vu. Déjà vu. Ok, ouais, le thème principal est déjà vu. C'est pas une toune qui est longue, en fait. Non, ça dure. Mais c'est ton S, ça, en fait. Ouais. Jamais joué de ma vie. Moi non plus, mais je sais que c'est un. Je pense que c'est un point and click un peu le gangster. En tout cas, en regardant la pochette, on le voit tout de suite. Ben, ça fait penser. C'est sûr, c'est très différent de Dick Tracy un peu. Oui, ça fait penser à ça. Il y a un peu le même style, ouais. Là, le personnage. Sauf que ça, Dick Tracy, c'est un jeu de merde. Mais ça, je sais pas si c'est bon. Ben, même si ça a été un jeu de merde, la musique est bonne pareil. Sauf que je remarquais que. C'est ça, ça a vraiment l'air détective dans ce genre-là, mais la musique est vraiment bonne. Débile, des choses comme ça. Oui. Hey, fait qu'on se fait un recap. Ouais. On a Metal Gear Rising Collective Consciousness Agenda Remix. C'est pas long du tout. Non. Mais le thème principal de Metal Gear Solid 2 de notre ami Harrison. Ouais, et le troisième, Déjà Vu. Déjà Vu. Le thème principal. Ouais. Bonne écoute. Yeah. bloc 2, mesdames et messieurs, messieurs et mesdames. Les deux, les poils, tout. dans le bloc 2, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a The Binding of Isaac, Atonement. Atonement? Atonement. Ça tombe bien qu'on ait parlé tantôt. Avec oui. Notre ami, monsieur Danny Brazowski, je pense. Oui, Brazowski. Ben, non, si c'est allemand. C'est allemand. Brazowski. Aucune... Ça sonne allemand. Brazowski, Danny Brazowski. Je fais les tunes des Super Meat Boy et des Binding of Isaac. Ah, il a fait aussi, c'est quoi? Je pense que c'est Canal... Ah, maudit, j'ai tellement pas de mémoire. Ouais, on avait vu, tu sais, une vidéo qu'on avait vu un gars qui court, là, dans un building. Ah oui, Colin, moi je me souviens pas du nom. Canal, mais c'est, ça a vraiment de l'air ouais, awesome. Ça a l'air awesome. C'est lui qui a fait cette musique-là. Ça va être disponible sur Ouya. Allez voir un trailer de Ouya, d'un jeu qu'il va avoir, là. En tout cas, ça se peut que vous le voyez. Je sais que c'est un gars qui court là, dans des buildings. Là, ben, dans, c'est toi. Là. C'est comme ouais. Une espèce de noir et blanc. En tout cas, mais tu vois, le gars il court et il évite des obstacles. Il saute par-dessus. Mais tu sais, il a pas l'air à se passer grand chose autre que ça. Là, mais bon. Ouais. Quand même, ça a l'air hot. C'est un projet de 2009. Bref, notre ami Danny Brzezinski, il fait de la très bonne musique. On a... la soundtrack de Binding of Isaac, c'est drôle parce que oui, on avait parlé du jeu, mais on n'avait pas parlé tant que ça de la musique parce que elle est vraiment bonne. Elle est spéciale. Autant que Super Meat Boy, c'était, tu sais, c'est catchy, tout ça. Mm. Je trouve que cet artiste-là a sa façon d'interpréter ouais. Et de composer sa, les chansons. C'est ça que aussi. Qui colle, mais parfaitement à l'univers de Binding. Elle est plus et... ambiantique que Super Meat Boy. C'est vrai, par exemple. Ouais. C'est pas, tu sais, on dit souvent que, tu sais, ceux qui jouent au jeu disent souvent justement que la musique est bonne parce qu'on joue au jeu en même temps. Mais je me suis rendu compte en l'écoutant, tu sais, dans un autre contexte que le jeu, ça s'écoute bien, mais probablement plus les tunes principales. Ouais. Sinon, le reste, moi, j'ai, personnellement, du moins, je trouve que ça s'écoute peut-être un peu moins bien en loner. Ouais, c'est ça. Parce qu'on les mettra peut-être pas toutes dans le show, non, mais non. En background, par exemple, ça se peut qu'on en mette, par exemple, il y en a qui vont très bien fitter. Exact. Puis c'est ça qui est le fun, cette tune-là, je trouve que c'est ça, elle colle parfaitement à l'univers. Puis cette tune-là, particulièrement aussi, on l'avait mis sur notre Facebook. Yes. D'ailleurs, je vais vous faire un petit rappel. Ceux qui sont nouveaux au show, que ça fait pas longtemps que vous êtes abonnés ou peu importe, allez liker, allez aimer notre page Facebook. C'est là que ça se passe. Moi, je poste des vidéos pratiquement assez souvent, je te dirais. Je vous dirais, puis non, allez là. C'est là que ça se passe. Ouais, presque, venez nous parler, venez nous jaser. On est rendu à 85. Puis je veux que notre communauté grandisse. Parce qu'au Québec, oui, c'est vrai que le monde trip, c'est jeux vidéo, tout ça, des podcasts de jeux vidéo, c'est quand même assez populaire. Mais de la musique de jeu, là, je veux vraiment monter une grosse communauté, une grosse gang. Tu sais, qu'on soit tous des tripeux, là. Puis n'hésitez pas à en parler à vos amis, à ceux, tu sais, si vous voyez qu'ils aiment ça, qu'ils en écoutent, parlez de nous autres, même s'ils n'écoutent pas le podcast, au moins qu'ils viennent nous rejoindre. Parce qu'on pose des vidéos tout le temps avec des tunes de jour. Tu sais, moi, j'aime bien ça, tes tunes de jour. Ouais, c'est ça. Ben là, je vais probablement arrêter de numéroter parce que je me suis rendu compte que j'ai fait des oublis. Tu sais, comme le numéro 22, je l'avais deux fois. Je me suis dit, oh, de la merde, là, je vais arrêter de numéroter. Ouais, c'est ça. Fait que non, à tous les jours ou presque, je poste une musique. Puis pour vous découvrir, pour vous tenir le monde en haleine aussi, tu sais, pour... Voilà. Le Twitter, finalement, ça va... Probablement juste pour ceux qui justement qui n'ont pas Facebook. On a un Twitter également, fait qu'allez nous suivre. Mais lui, il va être vraiment spécifiquement juste pour vous annoncer quand un épisode est sorti. Moi, bon, Twitter, moi, je suis pas très actif là-dessus, je vais avouer. C'est surtout Facebook. Ben, c'est ça. Tu sais, juste, moi, j'en ai ouvert un vraiment juste pour le monde qui n'ont pas Facebook. Mais même de là, je suis très actif sur mon compte Twitter personnel. Mais celui d'Ikorama, ça va être vraiment pour annoncer les épisodes. Et si vous voulez nous jaser, bien entendu. Fait que, fin de la parenthèse, excusez-moi, ça a été long un peu. Pas de problème. Mais c'est ça, regarde, c'est important parce qu'on s'en rejoint là, on a du fun. Puis je veux avoir une grosse communauté. Au Québec, là, faut que ça bouge, la musique de jeu. Connu. Faut plus que le monde se gêne. Venez nous voir, venez nous liker. Sur ça, on va continuer avec dans le bloc 2. Numéro 2, on a Guilty Gear. Et oui, on a Right in Pain, que là, je sais pas comment, pourquoi qu'il marque demain. W-R-I-T-H-E, c'est la première fois que je vois ça. Ouais. C'est une faute ou quoi que ce soit, bref, c'est pas ça le principal, c'est non. La chanson est bonne en maudit. Oui. Je pense que Guilty Gear, on n'a plus besoin de vanter leur mérite puis leur le hot. On aime ça parce que toute la soundtrack au complet, ou du moins en grande partie, est malade. Puis dans celle-là, il y a du beau clavecin au début qui est utilisé. Moi, j'adore ça. J'adore ça. Ça fit avec le médiéval, là, les photos et tout ce qui est cap et d'épée. Exact. Puis tu sais, c'est ça qu'on se disait. Tout ce qui est univers un peu Ouais, gothique, limite, c'est assez son château. Je trouve ouais, ça fait ça. Château, tu sais. Ouais. Moi, j'imagine une espèce de gros clavecin, écoute, énorme, avec un gars, avec un, je sais pas, un gars sombre, un vampire, whatever. Qui ouais. Puis ça, c'est un vampire qui joue sur un gros sort. Que... ouais, c'est carrément ça, je m'imagine. Ouais, puis, Colin, que j'aime ça. Non, c'est vraiment une bonne chanson. Mm. C'est ça. Fantastique. Vous allez l'entendre encore. Ah oui, parce que Game Tiger, je pense que c'est ce que j'ai le plus. Il a vraiment un méchant paquet. Vraiment. Fait qu'en troisième partie. Troisième, on a Winter Bliss de Castle Crashers. Yeah. Maudite bonne toune. Ça, on savait pas si on vous l'avait déjà donné. Mais on s'en fout parce que la toune est vraiment bonne. Je pense qu'on l'avait mis en background. En background. Mais en tout cas, on n'était pas sûr tantôt. Mais au pire, on l'aura deux fois. Puis ça va être bon encore une deuxième fois. Voilà. Castle Crashers, j'ai oublié le nom de la compagnie. Je sais qu'ils ont sorti d'ailleurs Block. Je pense que c'est un jeu justement de Block dernièrement là, oui. Qu'ils ont sorti. Que j'ai pas essayé encore, mais j'ai vu des bonnes critiques. Le monde qui en parle aime ça à date. Mais c'est en association avec Newgrounds aussi. Ouais, c'est ça, exact. Puis là, ben, c'est une compagnie indépendante, mais qui vraiment ont un style artistique assez particulier. Oui. Qui pourrait être pas comparé à Team Meat. Mais je te dirais que leur style artistique est assez reconnaissable. C'est vraiment unique. C'est beau. Ça, j'aime ça. Des compagnies indépendantes de même qui ont un style artistique unique de même, qui ont leur signature eux autres, là, c'est ça ne peut qu'être un hit, là, finalement. Ouais. Fait que non, j'ai vraiment aimé Castle Crashers. Quand même assez difficile, le jeu. Hein. Ben, j'ai pas vraiment joué, je te dirais. Je pense que je l'ai sur le Play. J'ai pas beaucoup joué. Ça joue en co-op en plus. Ouais, tu m'as oublié, mon petit maudit, toi. Bon, oui. Ce qui est le fun en plus, c'est que le jeu, il est quand même assez long. Puis pour un jeu téléchargeable dans le temps, c'était quand même assez audacieux comme projet. Parce qu'il valait 10-15$. Il vaut encore ça. Puis honnêtement, worth every penny, ça vaut vraiment la peine de l'acheter. Mais c'est ça, c'est un donjon de Dragon, un beat'em up. Okay. Mais tu sais, t'as des armes différentes, tu peux équiper des armes, puis tout ça. Alors, c'est vraiment cool. On avait déjà parlé, c'est très hot. Ouais. Donc. Récapitulation. Récapitulation. On a Atonement de Binding of Isaac. Guilty Gear avec Right in Pain. En plein, je sais même pas comment le dire. Et Winter Bliss de Castle Crashers. Oh yeah! Maintenant, ouais. Le troisième bloc. Three. On y va avec le troisième bloc. Avec The Elder Scrolls, le troisième du nom. Oui. La chanson thème de Morrowind, en fait. Ouais, ouais, j'ai eu cette idée-là. As-tu joué à celui-là? J'ai joué un peu, mais ça fait okay. longtemps de ça. Dans le temps, j'avais un ami qui avait un PC. Puis, tu sais, la bombe dans ce temps-là, tu sais, c'est vraiment une bombe. Puis, il y avait ce jeu-là. Puis, man, que j'ai... C'était... Dans ma tête, il pouvait pas avoir mieux que ça. Tu sais, un jeu de rôle qui se passait vraiment en action réelle, tu sais. Parce que dans ce temps-là, c'était Final Fantasy qui était hot, puis tu sais, ça fait la même. Que tu pouvais te promener, tu pouvais parler à des villageois, que tu pouvais interagir avec ton environnement. Pour moi, c'était impossible. Pour moi, ça pouvait pas être plus hot que ça. Fait que non, je l'ai jamais vraiment joué, mais j'ai plus joué à Oblivion par okay. la suite. Oblivion, ça, j'avais joué beaucoup. Mais, c'est ça, à un moment donné, j'ai passé à autre chose, puis j'ai juste arrêté de jouer, tout simplement. D'accord. Ça n'empêche pas que la musique était quand même. Ouais, c'est ça. Mais overall, je vous dirais que c'est, personnellement, c'est les seuls. C'est vraiment la seule musique que vous allez vraiment entendre qui va être épique, parce que c'est assez ambiantique. Tu sais, je veux dire, quand tu te promènes d'une forêt, t'as pas une grosse symphonie avec, tu sais. Tu vas rentrer dans un bar, à la limite, ça va être, je sais pas, des troubadours qui vont jouer de l'orgue ou, je sais pas, de la guitare, tu sais, ça peut arriver. Mais c'est rare que tu vas avoir une musique qui va être épique comme tout le long. Fait que, non, c'est that's epic. Cette bon musique-là choix, mon... est très bonne. Merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça pour moi. Plaisir, ça pour moi. Mais bon. C'est ça, un fait intéressant sur la chanson thème de Morrowind, c'est qu'on on retrouve... C'est assez similaire à la chanson thème de Skyrim qui a été vraiment refaite. Ça vient vraiment de ça. C'est la chanson thème de Morrowind, finalement. Parce que moi, Oblivion, me semble pas que j'avais entendu ce thème-là. Du moins, je m'en aurais souvenu. En fait, okay. J'ai juste pas pris le temps de l'écouter, finalement. Fait que, bref, non, très bonne très bonne chanson. Je l'adore. Bon choix. Vraiment, là, très hot. C'est qu'on a après ça? Oh, next, on oh. a le Battle 1 de Final Fantasy Mystic Quest. Ah, man. Quel hein? jeu sous-estimé, je pense. Ça, ou pis... c'est sous-estimé, ouais. Ça, tu prends ça, c'est... t'écoutes ça, puis Colin, je préfère ça d'un groupe de rock, là, c'est incroyable. Facilement. C'est facilement. La guitare électrique. Ah oui. C'est, ça s'écoute de même, tu fais comme Chris. C'est comme un band qui ont. C'était pensé de même. C'est comme un groupe qui jouait ça, puis ils ont mis ça en midi. Genre. Ouais, exact. C'est pareil, identique. Ben, le fait est que, avant de connaître vraiment ce jeu-là, j'écoutais beaucoup de tunes de finale, puis j'avais tombé sur une vidéo, un vieux vidéo d'un Flo qui jouait cette tune-là à Git. Puis après ça, j'ai joué au jeu sur un émulateur. Puis le jeu, j'avoue que j'ai jamais vraiment passé au travail. Je trouvais ça cool. Mais je trouve que ça a mal vieilli comme jeu. Okay. Parce que autant la manière des combats, le tour par tour, ça marche bien pour ça. Mais je sais pas, ça me fait pas triper. T'sais, on nous voit de dos avec des armes de même, la façon que tu te déplaces. Faudrait que j'y redonne une chance, mais c'est pas mon final préféré. Vraiment okay. pas. La musique, par contre, ouais, la musique, moi, pas à mettre de côté. Je sais pas si c'était fait par Nobuo, par exemple. On n'a pas fait nos devoirs là-dessus, mais... Ça m'étonnerait pas, en tout cas. Ça m'étonnerait c'est pas non lui, plus. Bah c'est un autre qui est aussi talentueux, mais sinon, c'est notre bio, mais ça, c'est pas étonnant. Vraiment. Ouais. Vraiment nice. Ouais. Ensuite. Next, la troisième, c'est Flame Mammoth de Mega Man X. Oh yeah! Ça, c'est hot. Ça, c'est hot. Ça aussi, c'est très rock. Ouais, vraiment. Vraiment, vraiment. Ben, ça a toujours été ça avec la musique de Mega Man régionale. Mais, surtout les X. Ouais, surtout les X. Puis, personnellement, c'est sûr que j'ai. Tu sais, je préfère ceux-là des classiques. Mais les X, là, on s'entend. Mm. C'est lequel? Une des tunes les plus populaires, je pense, c'est. Mega Man X? Ouais. Peut-être Storm Eagle. C'est Storm Eagle. C'est vraiment. Mais Chill Penguin, mais je pense que ce serait plus Storm Eagle. Storm Eagle, c'est vraiment. Ouais, c'est la plus populaire, selon moi. Là, selon c'est... moi. Quand on pense. Sinon, il y a. Mega Man X, il y a Armored Armadillo qui est bonne. Ouais. Elles sont pas mal toutes bonnes. Il y a Spike Mandrill qui est dans mon top aussi. Vraiment excellent. Ah ouais, ils sont vraiment ouais. toutes bonnes. Je vous les ferai pas toutes entendre en background. Ouais. Parce qu'on vient d'en dropper 3, 4, 5. Mais tout ça pour dire que non, vraiment, sont écœurantes ces musiques-là. Mm. C'est vraiment excellent. Ah, puis Flame Mammoth en tant que test, c'est pas un boss qui était vraiment difficile. Je me souviens plus de Flaming, mais. C'était-tu lui qu'il fallait que tu pognes, je pense, l'arme de l'octopus, vu que c'était comme de l'eau, genre? Sa faiblesse, c'était l'arme de Storm Eagle. qui est l'espèce de tornade. Grosse tornade. Puis, ça. Puis le boss, en tant que tel, c'est sûr que avec les armes, c'est tellement facile de toutes les battre. Ben oui. Mais en tant que tel, Femamout, c'est pas un boss qui est tant difficile que ça. Il faisait tout le temps des ouais, ouais, pas trop pourquoi. Là. Je pense qu'il faisait son affaire de feu. Avec sa trombe, là. Ouais, puis là, il tirait du feu à masse. Je sais que quand il sautait, fallait que tu sautes avant qu'il arrive à terre, sinon tu tombais. Ah, exact. C'était pas un boss qui était. Non, il se faisait bien. Puis sinon, dans le tableau, je me rappelle, t'avais un secret quand même bien caché. Fallait que tu. À un certain endroit, tu pouvais pogner ton amélioration de ton futon gun. Oui, pis c'est vrai. Fallait c'est que tu sautes, t'avais des petits blocs à péter dans un coin. Puis fallait que tu sautes avec le dash au bon moment, puis c'était vraiment pas évident. Puis si tu le ratais, fallait que tu recommences. Parce que si tu pètes un bloc, puis tu réussis pas à remonter par la suite, oublie ça. Là, si t'en redescends en bas, là, faut que tu recommences. Ah, c'était touchant, là, c'était super. Ouais, parce que le gun, tu peux l'avoir là. Ou sinon, mais tu vas l'avoir par défaut plus tard quand Zéro va se faire tuer par Vile. Il va te le donner. Ben, il va te le donner. Ouais. Ah, c'était quelque chose. Hein, ouais, c'était quelque chose. C'est tout qu'un jeu. Ouais. Mais moi, je verrais un nouveau Mega Man dans les séries X, mais pas comme les 5, 6, 7, là, où ce que là, ça a commencé à plus avoir de bon sens. Dans ce style-là, vraiment rétro, là, parce qu'il y a tellement du potentiel, dans le fond, c'est ça qui était cool dans les X. C'est que, tu sais, autant les classiques, c'était simple. T'sais, tu sautais, puis tu tirais. Des fois, tu pouvais slider. Mais là-dedans, t'avais les dash, t'avais les augmentations. Fait que t'avais beaucoup, beaucoup de recherches. Tu sais, c'était le fun parce que tu fouillais dans les tableaux, puis tu pouvais trouver des affaires, justement, comme les augmentations. T'sais. T'avais Mega Man X Corrupted aussi. Ça, je sais pas si on en a parlé. Non, non, on était supposé d'en mettre une des tunes là-dedans. On va peut-être amener vous titiller un peu là-dessus. Ça, c'est un projet d'un. Je sais pas le nom de la personne qui le fait, mais c'est carrément. C'est amateur. C'est fan, là. C'est fan mail, là. C'est ça, puis, exact. C'est, écoute, il y a tellement de c'est tellement de qualité là-dedans. Là. T'en regardes ça, puis on dirait. Non, ça va être big. Ça va être gros. Ben, ils ont mis zéro là-dedans. Ça fait longtemps que Damien m'en avait parlé, moi, dans le temps. Il m'avait dit check le gars, tout ça, c'est fan mail. Puis le gars, il met vraiment du temps. Ça, c'est de quoi que je vais jouer, cet officiel. Non, c'est sûr. Puis les tunes qu'il a faites, c'est digne de Megaman X. Ça, c'est carrément digne de Megaman X. Excellent. Alors, c'est ça. Puis Keiji Nafune, dans le temps, lui, le gars qui avait créé Megaman X. Tu sais, Megaman classique, il avait juste fait la modélisation, la couleur, puis tout ça. Okay. Mais dans le X, c'est vraiment lui qui avait fait le personnage au complet. Puis dans le fond, Zero, c'était supposé être son personnage principal dans les Megaman X. Parce que lui, il voulait comme passer à autre chose. Puis finalement, il a vu que les fans chiolaient. Fait que là, il a refait carrément un Megaman à son image. Comment que le Dr. Light l'aurait fait dans le futur, tu sais, parce que ça se passe vraiment dans un futur lointain où ce que M. Light est mort. Fait que, repose en paix, M. Light. Mais c'est vraiment une série qui, d'après moi, selon moi, devrait revivre, mais tu sais, au goût du jour. Là. Mais Corrupted, c'est littéralement ce que tout le monde veut, tu sais. Moi, j'ai hâte. Ça risque d'être fou braque. Là. Ouais. Non, j'ai bien hâte de voir ça. Hey, fait que c'est ce qui termine le bloc. Oui. Petit recap. Alors, on a dans le numéro 1, la première chanson que vous allez écouter, The Elder Scrolls, le troisième du nom, Morrowind, la chanson thème. Après ça, on a le battle, le combat numéro 1 de Final Fantasy Mystic Quest. Yep, et on a Flame Mammoth de Mega Man X au Super Nintendo. Ouais. Bonne écoute! Mais oui, voilà. Oui, le dernier bloc, et non le moindre. Et non le moindre. Donc, on a en première position... Qu'avons-nous? Un RPG de mon enfance, que je me demande encore comment j'ai fait pour aimer ça. Parce que quand j'ai rejoué dernièrement, j'étais là, oh my god, mais maudit que ça a mal vieilli. Ogre Battle au SNES, mon ami. Donc, je pense, ça a un nom de 10 pieds de long. Thunder Revolt. Ouais, Ogre Battle, The March of the Black Queen. Ah, c'est vrai, il y a un titre. Ouais, Legendary Ogre Battle. Qui est sorti en 1993. C'est un real-time tactical role-playing video game directed by Yasumi Matsumono. Non, sérieusement, je connais pas du tout monsieur Yasumi Matsumono. Par contre, je sais que j'ai joué en salle. En fait, c'est un de mes chums qui jouait dans le temps au SNES. Puis, man, je trouvais ça quand même débile parce que c'est ça, c'est en temps réel, ce jeu-là. Je sais pas si t'as déjà joué, toi. Pas en tout. Okay. Pas en tout. Ok, parce que quand tu jouais, dans le fond, c'est vraiment spécial la manière que ça fonctionnait. Les combats étaient automatiques. Tu sais, c'était pas toi qui dirigeais les batailles en tant que tel. Mais il fallait que t'aides d'une place à l'autre et que tu recrutais du monde finalement. Puis, essayez d'imaginer une carte du monde. Puis, t'avais ton bonhomme qui était, bon, à une certaine place. Puis, tout dépendamment de ton type de personnage. Quand tu faisais des déplacements, il fallait que tu prennes en considération le terrain. Tu sais, si, mettons, je sais pas, il y avait de l'eau, whatever, une certaine forêt, ben ça y prenait plus de temps. Si c'était vraiment une plaine qui était claire, il allait plus vite. Mais on voyait pas les personnages là, tu sais, en full animation. Là. C'est vraiment là une petite icône, comme un jeu tactique là, tu sais, qui se déplaçait. C'était vraiment long. Mais pendant ce temps-là, tu avais des ennemis qui pouvaient apparaître de n'importe où, finalement. Quand ils rencontraient, ben là, ça te faisait des random battles. Ça marchait comme avec des cartes, si je me trompe pas. Mais okay. Écoute, ça fait longtemps. C'était spécial. C'était vraiment spécial, honnêtement. Les compositeurs, on va se faire plaisir, parce que ça fait longtemps. Alors, on a Hitoshi Sakimoto, Masaharu Iwata, Awato Matsuo. Hein? Peux-tu répéter, s'il te plaît, pas entendu? Non! Fait que... ouais, c'est ça. Fait que, non, c'est sad. Ça a été développé par Quest, en fait. Quest faisait quand même des jeux... ils en ont pas fait tant que ça. Faudrait que je check. Mais c'était quand même des bons RPG. Après ça, ils en ont sorti sur le Sega Saturn, la PlayStation Virtual Console qui est sortie, évidemment. Puis, plein de choses dans le genre. Fantastique. Ils ont sorti Tactic Ogre au PSP aussi, là. Je pense en 2008 ou en 2009, parce qu'on a quand même assez récemment, mais j'ai pas joué. Ok. Ouais. C'est ça. Super! Ouais. Et la prochaine, nous avons le Boss Battle Team de Paladin Quest. Ouais, un jeu de Super Nintendo que je n'ai jamais joué de ma vie, que j'ai vu à vendre sur papacassette.com, puis que je me suis dit, ah, ça pourrait être cool. Mais que j'ai vu le gameplay, finalement, j'ai dit non. Pas pour moi. Souvent, comme tantôt tu parlais, il y a des jeux qu'on a aimés à cause justement. Facteur nostalgie. Ouais, c'est ça, exactement. Mais c'est pas tous les jeux, comme tu as dit tantôt, en Grimato, t'as rejoué. Ça a mal vieilli. Ouais, le c'est pire, ça. C'est que j'aurais dû juste, mettons, regarder une vidéo YouTube, me rendre compte que ça avait mal vieilli. Là, parce que c'est plus comme l'imagination quand on était kid, c'était quelque chose. Là, on s'imaginait des montagnes, des affaires la même. Mais là, écoute, avec les jeux qui ont sorti aujourd'hui, tu sais. Ouais, c'est ça. Même les jeux rétro sont rendus avec beaucoup plus de mouvement dans les paroles, dans les. Même les plateformeurs, c'est rendu hot, là, tu sais, ce qu'ils sont capables de faire avec la technologie, tu sais. Fait que, non, Ogre Battle, je trouve ça a mal vieilli. En tout cas. Mais toi, y a-tu un jeu que, justement, quand t'étais flow, t'avais trippé au bout, puis t'avais vraiment adoré ça, puis quand t'as rejoué, t'as fait comme, hey, non, c'est pas pour moi, c'est plus pour moi. Seigneur, je pourrais pas te dire là, présentement. Faudrait que je cherche un peu. Peut-être tantôt, en conclusion, mais dans une autre tonne, je te dirais ça. Ok, je vais voir, pas parler. Non, parce que moi, ça m'est arrivé, il y a ça. Mais c'est ça, tu sais, pour ça. Pas mal tous les jeux que j'ai rejoué quand j'étais flow, j'ai trippé, tu sais, comme j'avais bien aimé Mario RPG, tout ça, Castlevania 4, mais. Non, Ogre Battle, ça m'a vieilli. Parlant d'Ogre Battle, ben là, on parlait de Paladin Quest, on se dit que la toune est excellente, vraiment. Oui. Sauf que, c'est ça, j'ai jamais joué. Fait que, sûrement que ça doit être un bon jeu. Parce que j'en avais jamais vraiment entendu parler avant, justement, de voir... quand j'ai vu ce jeu-là à vendre sur Internet. En troisième position, mon dom? Ben, c'est encore Gros Battle, mais cette fois-là, c'est ton Nintendo 64. Yes. Decisive. Decisive, ça, c'est vraiment pas un jeu que j'ai joué non plus. sais qu'il est cher. Je l'ai essayé à un moment donné, je pense que c'était chez Sputnik, je l'avais essayé. La petite TV. Ouais, c'est ça, avec ouais, eux autres qui ont des petites TV. Ouais, c'est cool ça. Pour les jeux rétro. Je l'ai essayé, mais non, j'ai pas aimé ça. Ça, t'as pas trippé. Non. Non, c'est ça. Je pense que c'est dans le même genre que. Excuse, c'est dans le même genre, je pense, que au Super Nintendo. Ouais. Mais non, c'est ça. C'est pas une série que. D'après moi, ça a pogné plus au Japon. De ce que j'en pense. Parce qu'en Amérique du Nord, on a vraiment. Tu sais, j'en ai pas tant entendu parler que ça. C'est vraiment les puristes d'RPG. Il y en a qui viennent me voir et puis, écoute, un gros battle. Puis moi, je veux dire, j'aimerais bien ça, aimer ça comme dans le temps. Même si j'étais un fan de RPG quand même. Mais non, pas ce style-là. Mais c'est un jeu qui vaut cher, en effet. Oh, 64, ça. 64, c'est un des plus chers. 60, je pense, 70, quelque chose de même. Ah, c'est vraiment dispendieux. Ça a dû encore augmenter, d'ailleurs, ça augmente de jour en jour. Mm. Non, c'est ça. C'est pas long. Fait que. Mais soit disant, la bande originale. Si vous aimez ça, venez nous en parler sur Facebook, sur Twitter, @Geekorama, Geekorama sur Facebook. Venez nous en parler parce que nous, on aimerait ça savoir qu'est-ce qu'il y a de fun dans ces jeux-là. Ah, c'est sûrement trippant, mais ça dépend des styles. Ouais, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Ben, autant que y en a qui aiment vraiment pas les RPG, ben, genre comme, Final Fantasy. C'est comme les jeux de stratégie là, comme XCOM et tout ça, là, non. Ouais. Pas ou Fallout, tu sais, les anciens Fallout, je sais qu'ils vont sortir le Shadowrun Return, Wasteland 2. Ça, c'est pas des jeux que j'embarque vraiment pas. C'est pas parce que. C'est une bonne idée en tant que tel. C'est des mondes ouverts où t'as beaucoup d'exploration. Tu peux interagir avec des du monde, puis il y a une histoire, tout ça. Mais tant qu'à ça, je préfère des jeux genre Diablo. Parce que, tu sais, c'est quand même assez linéaire, mais tu peux quand même explorer des gras. Tu varges, tu ramasses équipements, tu peux le vendre. Ça, j'aime ça. Mais, tu sais, tactique de même, où ce que là, faut que tu choisisses une case pour un tour. C'est pas tous les jeux qui le réussissent bien. Moi, il y a Final Tactique que j'ai adoré là-dessus. Ben, les jeux de genre, là, il y aurait ce que je joue encore, c'est Age of Empire. Ouais, Age of Empire, c'est bon. Puis Conqueror Extension. Heroes of Might and Magic 3, ça c'est génial, ça je m'étonne jamais de ça. Ben c'est ça, mais c'est. Puis Red Alert 2 aussi. Et comme exemple, Age of Empires, c'est pas des jeux qui sont tour par tour, tu sais, ça va être quand même temps réel, tu sais, tu vas mettre tes unités à, mettons, ramasser du bout de ça, puis si tu veux rentrer dans l'ennemi, tu rentres dedans. Mais dans le style stratégie, là, ça c'est. Heroes 3, je l'ai. Sais-tu, faudrait que je rejoue. Ben, j'ai joué quand j'étais jeune, mais j'ai jamais vraiment. J'adore. Puis non, c'est ça, tout le monde m'en parle. Puis il y a ça aussi, Final Tactique, oui, je l'adore, j'aime la musique, j'aime l'univers, j'aime l'histoire, mais c'est parce que c'est un jeu qui est lent. Fait que quand t'arrives un après-midi puis tu veux jouer, un moment donné, je voulais jouer. Puis je me suis rendu compte que, tu sais, les yeux, j'avais les yeux lourds qui étaient trempés, puis je baillais. C'est pas parce que c'est plate nécessairement, mais c'est parce que c'est des jeux qui sont lents. Ouais, fait qu'à un moment donné, l'action, elle arrive comme juste d'un combat. Fait que faut que t'aimes le style vraiment là, pour jouer à ces jeux-là souvent. Alors. Fait que on se fait un recap. Oui, c'est oui, vraiment, chacun ses goûts. On se fait un recap? Oui. Numéro 1, on a Thunder Revolt du jeu Ogre Battle au Super Nintendo. On a le jeu Paladin Quest également sur la Super Nintendo. La chanson thème des boss, en fait du boss. Ouais, parce qu'on est boss. De boss. Puis on a Decisive du jeu Ogre Battle 64. Bonne écoute. Ouais. We'll be right back. C'est une fin qui oui. se termine par une conclusion. Hey! Oui, c'est la fin. Merci beaucoup d'avoir écouté. On espère que vous avez aimé les chansons qu'on vous a choisies autant que nous, on les apprécie. Oui. Et comme à votre habitude, comme à l'habitude, venez nous rejoindre, comme j'ai dit tout à l'heure, sur les réseaux sociaux. Également sur notre Gmail, on le répète, c'est geekorama. 3110@gmail.com. On fait un bout qu'on n'a pas checké ce qu'il y a dedans. On l'a délaissé un peu et on s'en excuse. On va checker voir c'est de quoi. Mais il est là vraiment parce que, bon, hein? S'il faut avoir une adresse email, on va en avoir une. C'est important. Et comme d'habitude aussi, les suggestions, ça, arrêtez pas. On en a pris une couple encore, mais c'est pas assez pour faire vraiment là. Oui, parce qu'on va en refaire, c'est sûr. C'est sûr et certain qu'on en refait un spécial. Ah oui, ça c'est sûr. Fait que n'hésitez pas, envoyez-nous vos suggestions. Et écoute, sinon, comme mot de la fin, Dom. Ben gars, on va vous laisser sur. On a toujours pas notre tune de fin. On vous laisse sur The Poets of the Fall qui est Late Goodbye. La tune de fin de Max Payne 2. Et qui est vraiment une très bonne chanson. Qui est d'ailleurs, random fact comme ça, le chanteur de Poets of the Fall connaît très bien Sam Lake. Sam Lake qui est le directeur créatif de Remedy Entertainment. Puis d'ailleurs, parlant de Max Payne, je pense que le créateur qui a fait une apparition à l'E3, ça se peut-tu? Ah, ça se peut peut-être. Je pense que oui, mais je sais pas dans quelle conférence, mais il a fait une apparition. Oui. Ben, en fait, Sam Lake a présenté pour le moment son nouveau jeu qui est Quantum Breaks, qui va être une exclusivité à la Xbox One, si je me trompe pas. Ah, ok. Ouais. Puis aussi, c'est drôle parce que je me souviens plus du nom du chanteur, mais il a fait une apparition dans le jeu de Max Payne 2. Un moment donné, il y a une scène où ce que les deux, il y a Max Payne puis un autre gars, puis il a pris la modélisation du chanteur de Poet of the Fall dans le jeu. Fait que j'aime ça la relation que ouais, justement Sam a avec le chanteur de Poet of the Fall, parce qu'il y a beaucoup de chansons qui se trouvent sur le chanteur. Même Alan Wake, il y a une toune de Poet of the Fall. Bref, c'est-tu pas le fun des affaires de même, des random facts, des affaires que juste moi je sais. On apprend tous les jours. Sur ce, très chers auditeurs, je vous souhaite une très bonne écoute. Merci d'avoir été là et on se revoit au prochain épisode. À la prochaine. Bonjour. Bye bye. On the asphalt, underneath our crushed plans and my lies. Lonely street signs, power lines, they keep on flashing, flashing by, flashing. And we keep driving into the night. It's a late goodbye, such a late goodbye. And we keep driving into the night. It's a late goodbye. Your breath hot upon my cheek, and we cross that line. You made me strong when I was feeling weak, and we crossed that one time. Our trails gone cold behind us, till in the John Muir is there at yourself grown old and weak. We keep driving into the night. It's a late goodbye, such a late goodbye. We say goodbye.